Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Évidemment, je ne suis pas seul, je suis avec Rémi. Salut Rémi, comment ça va ? Hello tout le monde. Bon, écoute, je vais bien. On est sur un vendredi calme. moi ça va, dans le Colorado ça va pas trop. Ouais, il y a eu un petit ouragan. Il s'est passé une connerie là-bas. Il y a eu un truc qui a déconné. On va en parler un peu plus tard. Ouais. Évidemment, comme vous le savez, nous on va faire un petit tour de l'actualité de ces brackets de playoffs qui nous tient en haleine, surtout côté ouest hein, en vérité. Mais on va faire un petit tour de tout ça. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe. C'est parti. À l'est, on va commencer par l'est. C'est peut-être là où il y a moins de choses à dire et puis en même temps, on suit l'ordre habituel. Les Celtics. Grand favori de leur série face aux Cavs qui ont conclu du coup 4-1. Tu avais vu le pronostic juste, il me semble. Ouais. J'avais vu le gentleman sweep, ouais, exactement. Côté Boston, toi, tu as quelques petits doutes. En revanche, pour les Cavs, on a vu que les blessures de Donovan Mitchell et Jared Allen ont pesé très lourd sur la fin de la série. Au final, les Celtics n'ont pas autant galéré que ça. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient même sur la retenue. Et c'est peut-être toi ce qui t'inquiète d'ailleurs, mais personnellement, je les ai trouvés en gestion, pas forcément forcés pour aller chercher des wins avec des gros écarts, ça servait à rien, ils avaient les ingrédients pour gagner. En attendant, la finale de conf et peut-être un retour de Porzingis. Qu'est-ce qui t'a inquiété, toi ? Avant, je rebondis sur ce que tu as dit, je suis assez d'accord. Ouais, Boston, ils sont imposés. Clairement, c'est la meilleure équipe. Ils sont pas trop forcés parce que, désolé pour les fans de Cleveland, mais je pense que voilà, que l'équipe de Cleveland n'avait pas la force nécessaire en fait pour venir combattre face à cette équipe de Boston. Trop dur pour eux. Du coup, ils se sont fait éliminer 4-1. J'ai comme envie de dire bonne saison côté Cleveland parce que malgré qu'ils perdent 4-1, ils n'ont pas non plus été ridicules. Non, et puis là, pour le coup, ils ont vraiment le facteur blessure, parce que tu as trois membres du starting five, ou presque, parce que Caris LeVert, il n'est pas toujours titulaire, mais il a un très gros temps de jeu. Et il était candidat à la sixième homme de l'année. Quoi. Voilà, donc c'est un joueur important, et du coup, tu as trois joueurs importants de ta rotation qui ne jouent pas, quoi. Donc très compliqué. Ouais, puis ça s'est ressenti, Jarrett Allen qui n'était pas là depuis le début, du coup, on a bien vu que la raquette avait du mal à être tenue, hein. J'aime beaucoup Evan Mobley, mais du coup, vu que Boston ont suffisamment d'armes à l'extérieur, ils... Bon, fait en sorte qu'ils puissent sortir sur les lignes à trois points. Et derrière, en fait, il y avait des axes ouverts pour pénétrer sous le panier. Donc, beaucoup de difficultés côté Cleveland à maintenir cette équipe de Boston. En revanche, Boston, ouais, quelques petites inquiétudes de mon côté. En fait, dans leur jeu, j'ai un peu du mal parce qu'en fait, ils ont un jeu là qu'ils ont montré au premier tour et même là contre Cleveland que je trouve qui n'est pas un jeu d'une équipe qui va jusqu'au titre. Je m'explique. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop d'ISO. Côté Boston, notamment face à Cleveland, un coup c'est Tatum, un coup c'est Brown, et les mecs en fait ça jouait pas tellement ensemble. Le collectif pour moi était pas assez collectif en fait côté Boston. C'était vraiment de l'ISO. On a vu Phoenix qui se sont fait éliminer en faisant uniquement de l'ISO face à une très grosse défense qu'est Minnesota. Boston n'est pas encore tombé face à une si grosse équipe que Minnesota là dans ses playoffs. Et du coup, j'ai envie de dire attention, parce qu'avec un jeu comme ça, s'ils ne se préparent pas dès maintenant à mettre en place leur tactique, leur système, leur jeu collectif, tu risquerais d'arriver contre une équipe qui va vite te surprendre et en fait, tu risquerais d'être délaissé. Ils ont tout le talent nécessaire pour aller au bout. Ils font partie des équipes favoris. Ah oui, c'est clair. Quand on voit les joueurs qu'il y a, ils ont tout ce qu'il faut. Mais leur jeu, moi, sur le terrain, ne me rassure pas. Moi, j'entends vraiment ce que tu dis. C'est vrai que ce qu'ils avaient mis en place sur la saison régulière, on n'a pas l'impression qu'ils ont poursuivi cet effort-là. En revanche, là où je peux comprendre que la série est tournée comme ça, c'est que en fait, face à Cleveland, tu as beaucoup joué small ball. Et en fait, du coup, tu as quasiment l'avantage de vitesse sur chaque opposition. Parce que j'adore Max Truss, j'adore Dean Wade ou Isaac Okoro. Max Truss a été ciblé, hein. Mais oui, en fait, en plus, tu vois, sur le dernier match, par exemple, il est 45 minutes sur le terrain. T'inquiète que dès qu'un joueur des Celtics, que ce soit Brown, Tatum ou même Jrue Holiday, ça joue l'ISO parce qu'en fait, ça crée des décalages forcément. Alors certes, c'est pas forcément intéressant parce que quand tu sais ce que tu vas jouer derrière, je parle pas forcément de la finale de conf, parce qu'en fait, pour moi, les quatre équipes qui sont à l'ouest encore peuvent gagner face à Boston. Et c'est ça qui me fait peur pour eux. Ouais, c'est ça, Je les vois exactement. jamais favoris face à une équipe de l'Est, de l'Ouest, pardon. Déjà, contre Indiana ou New York, la série n'est pas terminée, mais attention, parce que là, on voit que le niveau de jeu de l'autre côté, du coup, de la conf Est, et on va en parler après, mais quand même un peu plus élevé, j'ai envie de dire, que le niveau de jeu de Cleveland ou de... C'est qui qu'ils ont éliminé au premier tour, je les aimais, que Miami. Miami. Ouais. Autant pour moi. Et du coup, attention à se faire surprendre, parce que tu tombes face à une équipe de New York, les mecs ils sont morts de faim, ils se battent en défense, ils sont sur tous les ballons. Bah, attention à se faire surprendre avec un jeu en ISO comme ils peuvent là. Et admettons que ça passe parce qu'ils ont les talents nécessaires pour aller en finale. Tu tombes contre une des quatre équipes, comme tu dis, à l'ouest. Et bah ouais, là, franchement, attention, parce que là, c'est les équipes qui sont rodées. Défensivement, les mecs ils sont tous en place. Donc tu peux pas te permettre de faire de l'ISO comme tu le fais Ah bah actuellement oui, là c'est face à sûr. Cleveland. C'est sûr. Et au deuxième tour de playoff, bon, les mecs, ils ont le temps de se reposer. Hein. Pour le coup, ça, c'est un gros avantage pour eux. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs dans ces playoffs. Donc, ça c'est un gros point fort. Mais si tu ne mets pas en place tes tactiques, tes systèmes de suite, eh ben, tu vas vite te faire surprendre. Et je me répète, mais c'est vraiment le truc qui m'inquiète côté Boston. Alors qu'ils sont. En fait, le truc qui me dérange, c'est qu'ils ont tout pour être peut-être les plus grands favoris dans cette course aux playoffs. Parce qu'ils ont une équipe qui est très forte et peut-être parce qu'ils ont aussi le chemin le plus facile. Il y a d'autres équipes qui sont très fortes à l'ouest, mais la concurrence est rude, plus rude en fait que la concurrence qu'à Boston. Et n'empêche qu'on parle, quand on parle aujourd'hui d'une équipe qui va gagner le titre, et ben c'est pas Boston qui est cité dans les premiers noms. Parce que en fait, ils ont un jeu qui est un peu décousu sur certains axes, qui fait que ben, ils sont pas favoris alors qu'ils devraient, ils pourraient, ils ont tout pour. Ouais, et c'est pas une bonne manière pour se rassurer non plus, je suis d'accord. Ouais. Après, l'important c'était d'arriver en finale de conf. C'est chose faite sur deux séries qu'ils ont gérées quand même de main de maître, parce que dans le résultat, bah, ils ont perdu deux matchs sur, enfin un dans chaque série. Il y a des inquiétudes, mais je pense pas que ce soit quelque chose d'aussi grave, parce que malgré tout, en saison régulière, on a vu de quoi ils étaient capables et ils étaient vraiment inarrêtables. Donc après, on Oui. sait que c'est les playoffs, c'est pas pareil, mais personnellement, je pense que si les Celtics arrivent à tenir tête en finale de conf, suite à peut-être un retour de Porzingis qui pourrait peut-être revenir pendant les finales de conférence, ça permettrait aussi d'ajouter un point de fixation différent et de jouer plus grand, chose qui serait peut-être intéressant pour eux aussi, parce C'est que sûr. malgré tout, là, ils sont aussi embêtés par ça. Ton pivot titulaire, c'est Al Horford. J'aime beaucoup J'adore leur Al fort, Horford, ce mais qu'il fait oui. depuis des années, et encore là, sur sa fin de carrière, c'est incroyable ce qu'il Mais fait. il a 75 ans, quoi. Mais voilà, c'est que ça commence, il commence à vieillir et ça se voit. Alors, par contre, pour mettre Embiid dans sa poche, ça, même à 75 ans, il le fera. Mais par contre, je pense que c'est un peu limité s'ils veulent espérer quelque chose, en tout cas en finale NBA, par exemple, s'ils arrivent à s'y qualifier. Bah moi je pense que j'espère pour eux que c'est pas trop tard de faire en sorte que leur alchimie, leur collectif puisse se lancer dès maintenant. Ils l'ont montré dans la saison, donc on sait tous Ah qu'ils en sont oui, capables. c'est Mais le clair. truc c'est que si tu rentres trop dans le jeu de l'ISO et que tu restes là-dedans parce que ça te fait gagner contre, désolé encore une fois, contre des petites équipes, voilà, que le sont le Heat ou Cleveland, et bah face à une grosse équipe, attention. Donc bien D'accord, ouais. joué, ils sont en finale de conf. Mais en fait, encore une fois, sur les 7 dernières années, Boston, ils ont fait finale de conf plusieurs fois, ils ont été une fois en finale NBA. Mais à un moment, voilà, à un moment, en fait, je pense que les fans de Boston, ils veulent aller jusqu'au titre. Et ce qu'ils nous ont montré, moi, je trouve pas assez rassurant. Ouais, c'est vrai que pour le coup, les fans sont peut-être un peu plus peuvent être inquiets. À voir comment ça se passe sur la finale de conf. Je pense que c'est vraiment là le gros test, parce que c'est là où ils vont rencontrer soit Indiana, soit les Knicks, et ce sera une équipe différente à jouer. À voir comment ils s'adapteront face à deux très bonnes équipes. C'est vrai que de leur côté du tableau, c'était un peu faible malgré tout. La différence, c'est que Indiana ou New York, si ça s'arrête en finale de conf, quoi qu'il arrive, c'est une saison réussie. Même Complètement. pour New York. Ouais, parce que New York, ils ont le. Enfin, bah, c'est bête, hein, mais le facteur blessure, on en parlera après. Ils sont peut-être bien positionnés pour aller en finale de conf. Mais Ouais, là, puis ils sont pas ils ont une aussi rotation à contenders que 6. d'autres équipes, mine de rien. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Et puis, Tandis que Indiana. Boston, si ça perd en finale, je sais pas si c'est vraiment une saison réussie. Je sais pas Bah, si tu te contentes d'une finale de finale conf, perdue une non. fois de plus. Non, Ah non, d'une finale bah. NBA, je te parle. Si En tu perds finale en NBA? finale, c'est une saison réussie parce qu'en soi, tu vois là, tu perds en finale, mais je sais pas si tu te contentes de ça. À un moment, il Ah faut bah, non. vraiment aller chercher la bague. Non, ça c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Complètement. Petite inquiétude côté Boston, mais bien joué à eux, ils sont en finale de conf. Ah, on va voir par la suite ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont donner tort et que par la suite, ça va dérouler, hein. Je leur souhaite. Bah oui, parce que si on arrive au final NBA et que c'est un 4-1, ça me saoulerait un peu. Vu les playoffs qu'on a cette année, j'aimerais bien que ce soit disputé jusqu'au bout. Je pense suis que d'accord avec ça. ça. Ouais, complètement. On passe de l'autre côté du tableau. Du coup, les Celtics qui affronteront soit les Pacers, soit les Knicks. Pour le moment, les Knicks gagnent 3-2 dans la série, avec un match 5 dominé par les Knicks, avec un Jalen Brunson qui a mis tout New York sur ses épaules. Ouais. Donc là, cette nuit, il me semble, oui. C'est ça, cette Ouais, nuit c'est ce soir, ouais. à Indiana. Ça va être un match de folie, encore une fois. Une belle confrontation, en fait, entre deux équipes qui au final, montrent pas mal de choses. Offensivement, c'est vraiment un régal des deux côtés du terrain. Défensivement, peut-être plus d'efforts côté New York. Mais là, ça commence à tirer aussi sur les jambes. On a vu les minutes que donne notre cher. Quelle surprise! Comment? Quelle surprise de voir Ah Thibodeau bah donner oui. des Ah bah oui, 46 minutes de moyenne à des joueurs. c'est bizarre, hein. C'est Ouais. vraiment bizarre, je comprends pas moi. Non mais par contre oui, c'est enfin il commence à tirer sur la corde de tout le monde. Là en plus Anunoby est blessé pour la fin de la série au moins. Ça fait mal. La rotation est vraiment difficile à mettre en place côté Thibodeau et côté New York. Malgré tout, tu mènes 3-2 en fait. Donc moi j'ai envie de dire que t'es bien positionné. Faut aller faire quelque chose à Indiana cette nuit. Mais c'était important de gagner ce match 5 à la maison. Ouais, c'était très important parce que du coup, ils ont le momentum, en fait, tout simplement. Le Game 6, Indiana peut le prendre et New York a toujours l'avantage de faire le Game 7 au Madison. On sait toujours que c'est compliqué d'aller jouer au Madison Square Garden. Et on a un Jalen Brunson qui est en forme olympique. Là, enfin, c'est Ah bah, impressionnant ce qu'il nous fait sur cette sa série. campagne de playoff, elle est historique, hein, pour le moment. Ouais, complètement. Et ouais, hâte de voir ce Game 6. Attention à la réponse d'Indiana parce que n'empêche qu'ils sont loin d'être déméritants parce Ah non, qu'on non. a aussi une très très grosse. Enfin, je trouve que les efforts défensifs côté Indiana sont vraiment. Enfin, moi, je suis bluffé par les efforts défensifs qu'ils nous font pendant ces playoffs. C'est plus surprenant que ce qu'on a pu observer côté New York, parce qu'on savait qu'ils étaient capables de ça. Et c'est Bah, vrai New que York. la défense d'Indiana qui a monté, qui s'est élevée à ce niveau-là, Ouais. c'est vraiment intéressant à voir. Et puis en fait, en attaque, ça déroule tellement que C'est ça. c'est chaud. New York de base c'est une équipe défensive, donc ça on le savait. Et du coup ils ont élevé leur jeu en fait côté offensif parce que la défense d'Indiana est un peu en dessous de d'autres équipes. Et l'inverse est vrai aussi côté Indiana, ils ont une très bonne attaque et parce que New York a une belle défense, du coup ils ont élevé leur niveau de jeu et notamment défensif pour. Donc la série est vraiment très très chouette. On a eu des premiers matchs où du coup les scores étaient au coude à coude avec des fins de match incroyables. Là sur les Ouais. deux derniers matchs, c'est une branlée dans chaque sens. Donc le momentum est un peu compliqué à trouver, entre guillemets. Mais Ouais, la pour le moment, c'est dynamique. New York qui l'a parce qu'ils ont le dernier match et ils ont mis 30 points d'écart quand même. Donc Game 6 à Indiana. Là, Indiana va falloir qu'ils répondent fort parce que là, c'est win or go home, simplement. Effectivement. Donc un match 6 de cette nuit qui va être presque un immanquable. Ouais, et du coup, là, ça va être à Indiana d'aller puiser en fait dans les ressources de New York, parce que comme tu l'as dit, les mecs, ils se tournent à 60 minutes par match. Et on Donc, rappelle qu'il n'y a que 48 minutes dans un match. C'est là exactement. que Thibodeau est très fort. Donc, autant les mecs, ils les assument complètement, parce qu'on a des, enfin, il y a des athlètes de fou, hein. Je pense à Josh Hart, wow, un athlète que Bah c'est. oui. Le mec, il répond présent dans tous les sens, enfin, juste impressionnant ce qu'il nous fait. Il est le meilleur rebondeur de New York, alors que le mec, il fait juste 2 mètres. C'est vrai. C'est impressionnant. Mais du coup, c'est à Indiana c'est là qu'il faut aller taper, quoi. Allez fatiguer les mecs. La dernière fois, enfin, au dernier match, on avait une petite altercation entre Davis Njo et Miles Turner vis-à-vis de l'arbitrage, etc. Donc, en plus de ça, voilà, ça cogne un peu. Il y a du combat et c'est bien. Il y a de Ouais. l'engagement. Ouais, C'est exactement. ce qu'on aime voir en playoff. Ouais, tout à fait. Allez, bah du coup, pronostic. Est-ce que New York gagne en 6 ou Game 7? Moi, je veux un Game 7 sur cette série. Ah bah pas moi, j'espère pas. Moi, je veux un Game 7. J'espère qu'Indiana va répondre. Quoi qu'il arrive, Indiana, c'est une bonne saison pour eux, même s'ils s'inclinent ce soir, je pense. Oui, Pas clairement. sûr que tout le monde les voyait venir jusqu'ici. Et puis, il faut se rappeler que Pascal Siakam, qui est le premier ou le deuxième joueur, meilleur joueur côté Indiana, il est arrivé qu'au mois de février, janvier-février. Je sais plus, j'ai plus la date. Donc oui, Mais du c'était coup, pendant la trade l'intégration est deadline, là, c'est récente. ça. L'intégration est récente et en fait, ça te promet que des bonnes choses pour l'avenir. Quoi qu'il arrive, la saison est réussie côté Indiana, mais j'ai envie qu'ils continuent de nous surprendre. Voilà. Du coup, tu les vois passer en 7 ? Non, je les vois pas passer en 7, mais je veux un Game 7. Je pense que New York gagnera au 7e match au Madison, mais j'aimerais un Game 7. Ok, très bien, j'aime bien l'idée. Je veux la réponse d'Indiana ce soir. Voilà. Moi, pour le spectacle, je dirais Game 7, mais je pense que New York va le gagner cette nuit. Attention au très gros match de Brunson. DiVincenzo, qui par moment passe à travers, faut qu'il soit présent aussi. Et le chantier que peut nous faire Hartenstein, bah, on sait Hartenstein que, fait une très grosse série. Hein. Bah, même des très bons playoffs, hein, parce que oui, il a apporté un soutien de ouais. Robinson face à Embiid, ça a été impressionnant. Non, je pense que ce serait mérité pour les Knicks de le prendre tout de suite. Et aussi un peu plus compétitif face aux Celtics, parce que sortir d'un Game 7, à affronter les Celtics qui ont plus d'une semaine de pause, sachant que toi tu joues à 6, ça va être très compliqué. Ouais, et je tiens à dire en fait, dans la série, clairement pour moi c'est New York qui a l'avantage, et je pense que c'est là-dessus qu'ils vont encore appuyer ce soir, c'est la bataille au niveau du rebond. Il y a 7 rebonds d'écart entre les deux équipes. Avantage New York donc, et en fait on sait très bien que la bataille du rebond en général c'est l'équipe qui gagne en playoff, enfin l'équipe qui domine au rebond et l'équipe qui gagne. Souvent. Donc New York, voilà, s'il y a un axe sur lequel il faut appuyer, ça va être celui-là. New York le sait, si moi je le vois, je pense que les mecs côté New York ils doivent le savoir aussi. Mm-hmm. Pour continuer d'attaquer, provoquer la faute, prendre des rebonds et puis normalement ça devrait dérouler dans la logique des choses. On le souhaite, en même temps pour Vincent qui vivra une première finale de conf pour ses Knicks, ce sera bien. Ouais, c'est vrai. Est-ce que on passe de l'autre côté, bien sûr. Thunder, Mavs, 3-2 pour les Mavs, avec un match 5 gagné à Oklahoma City. Ouais, par Dallas, du coup. Ouais, c'est, ce que c'est exactement ce que j'ai dit. Ouais. mais surtout, on a vu un Luka Doncic qui monte en puissance sur cette fin de série. Lui qui a été un peu plus... Ça a été un peu plus compliqué niveau scoring, en termes de points marqués sur le début de la rencontre, enfin de la série. Et là, il commence à step up. Là, il a encore mis 31 points. Il y a 11 passes, il y a 10 rebonds. C'est impressionnant ce qu'il a Luka fait. Luka dans la ligne. Et en face, Shai a fait tout ce qu'il a plu, mais c'est très compliqué. Moi, surtout, ce qui m'a impressionné, c'est l'attitude qui a changé côté Dallas sur le match 5, parce qu'on se rappelle qu'en fait, sur les 2-3 matchs précédents, le meilleur scoreur côté Dallas, c'était PJ Washington. Donc, quand tu en viens à faire reposer ta victoire sur PJ Washington, c'est que tu es un peu en crise malgré tout. Et c'est aussi pour ça que bah après Oklahoma a fait en sorte que ce soit le cas aussi, parce qu'on sait que ils aiment bien faire en sorte de choisir qui tire en face, et pour le coup ils ont la défense et ils ont les joueurs pour changer sur tout le monde, etc. Donc c'est plus facile à faire. Donc quand PJ Washington met les points, ça peut permettre à Dallas de gagner le match. En revanche, quand Luka s'y met et qu'ils peuvent plus le défendre, c'est beaucoup plus compliqué, on l'a vu sur le match 5. Donc voilà, intéressant côté Dallas ce match. Sachant qu'on sait que Luka était un peu diminué, hein, c'est en sortie de match 4, je crois, à Dallas, qu'il avait dit comme quoi il avait mal partout, qu'il était épuisé, etc., mais qu'il donnait tout ce qu'il pouvait. Donc il ne fait pas une mauvaise série pour autant, mais il est quand même en deçà de ce qu'on a l'habitude de le voir faire. Là, au dernier match, je ne sais pas quel médecin il a été voir, mais a priori, ça va mieux. Ah bah ouais, ça a l'air triple double avec 30 points, plus de 50% en shoot, donc plutôt en bonne forme. Du coup, ça prend le relais de PJ Washington qui lui reste dans ses clous, entre guillemets. Il prend 10 points, 10 rebonds, il fait son taf comme ce qu'on attend de lui. Et en revanche, sur les derniers matchs, ce qui est assez surprenant, c'est Kyrie. Kyrie qui est plutôt discret. 12 points au dernier match, seulement 11 shoot. Le match d'avant, c'est quoi? C'est 8 points, je crois. Je suis dessus. Ou c'était au Game 3, je sais plus. Kyrie Irving, 9 points au match d'avant, au Game 4. 9 points avec 11 tirs pris. Ouais. Assez surprenant de voir un Kyrie aussi discret. Bon, alors après, il y a les passes, il y a la création de jeu, et surtout, il y a les efforts défensifs de Kyrie Irving qui sont vraiment impressionnants. Hein, pour c'est le surtout coup, là où on ne l'attend pas. Parce ouais, que exactement. Pas renommé pour être un super défenseur. On sait qu'il défend, on sait qu'il se donne, mais ce n'est pas un excellent défenseur. Mais là, pour le coup, il montre qu'il a les qualités pour... que c'est chiant d'attaquer sur Kyrie Irving, quoi. Donc, très fort ce qui se passe côté Dallas, parce qu'en fait, Parce qu'en fait, quand t'as un Luka qui est pas super en forme et t'as un Kyrie qui est disqué, bah dis quoi, c'est PJ Washington qui te punit en te mettant 29 points. À tout moment, Kyrie, là, il shoot pas trop et ça score pas trop, mais faut quand même le surveiller. Ouais, c'est ça, faut quand même le surveiller parce que si le mec il prend feu, bah tu sais que c'est très vite chiant parce qu'il peut mettre 15 points en un quart temps et dans quel cas, bah là tu prends l'eau, c'est foutu. Donc faut quand même le surveiller. Luka, bah c'est une menace constante. Et en fait, il y a beaucoup de menaces côté Dallas, ce qui fait que c'est compliqué pour OKC, qui a une très bonne défense, de venir défendre sur tout le monde. Ouais, carrément. En plus, côté Thunder, je suis inquiet pour le match 6. Parce qu'en fait, t'as perdu le match 5 chez toi. Tu vas à Dallas, ça va être un bouillon. Et en plus de ça, t'es pas en confiance. Alors Shai nous fait nous est sur la continuité de sa saison MVP. Donc candidat MVP là, ça se ressent dans les playoffs. Hein. 31 points, 9 rebonds, 7 passes. On peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Sa défense dure, il est partout. Je sais pas, il faut que je les ai pas trouvés vraiment à l'aise sur ce match 5. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tout le starting 5 est en négatif en termes de plus-minus. Ouais. Ça montre que... Alors bon, il y a eu un peu de crise d'adresse malgré tout. Il y a du Kayson Wallace qui est à 1 sur 7 sur la rencontre. Alors il n'est pas titulaire, mais on sait que quand il met dedans, bah, c'est toujours intéressant. Pour moi, sur le match 5, j'ai vu une équipe d'OKC submergée par l'enjeu. Ouais. J'ai vu un lapin devant des phares. Je crois que c'est au match 4 que les entrées de Aaron Wiggins et Kayson Wallace ont fait beaucoup de bien côté OKC et c'est ce qui leur fait gagner le match. Et du coup, je pense que Mark Degnaud a voulu retenter du coup cette match-up en alignant les deux en sortie de banc pour essayer d'apporter un peu de souffle aux 5 majeurs et du coup de prendre l'avantage entre guillemets via la seconde unit. Malheureusement, là, ils n'ont pas fait le taf. Comme tu l'as dit, 1 sur 7 au shoot côté... Kayson Wallace, Aaron Wiggins, voilà, qui a été trop discret, 10 minutes de temps de jeu chacun, mais c'était pas des très bonnes minutes et ça a pêché côté OKC parce que du coup, de l'autre côté, en fait, c'était des moments où Luka a pu lui récupérer des points de vie pour ensuite refaire mal à OKC quand il le fallait. Moi, ce qui me choque, c'est une stat assez intéressante sur la rencontre du coup qui est gagnée 104-92 par Dallas. Avec l'écart est un peu plus gros que ce qu'il y avait au final, c'est le money time qui s'est décidé avec le jeu de lancer, etc. Mais ouais. Par contre, tu vois, Dallas a perdu 14 ballons, seulement 6 pour Oklahoma, et t'as pas su en profiter pour t'en servir, pour te détacher et mettre un petit run, etc. Ouais. Et c'est ça en fait qui est dommage. C'est que sur un match, en fait, tu perds un match quand t'es super propre, alors que ton équipe en face, bah, 14 ballons perdus, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Et t'arrives pas à profiter de ça pour au moins être compétitif sur le money time. C'est un peu dommage. Ouais, c'est vrai, c'est une belle stat que tu mets en avant. Je l'avais pas appris dans mes notes. Mais ouais, c'est vrai que du coup derrière ils ont pas réussi à convertir. Mais j'ai trouvé dans le dernier match là sur le game 5 qu'Oklahoma avait un impact physique en deçà des autres matchs. Ils étaient moins physiques, moins énergiques. Moins percutants. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Ils avaient moins faim. Ils nous ont habitués à une équipe voilà, qui est très jeune, etc., mais qui avait faim, qui se bat sur le terrain. Et là, c'était moins le cas au Game 5. Donc, à eux de répondre et qu'ils nous montrent qu'ils ont faim au prochain match. Et quand c'est ce soir également ? Non, c'est samedi. C'est samedi soir ? Oui, en effet, samedi soir. Donc, pronostic, mon Rémi. Game 6 à Dallas. Moi, je vois des Game 7 partout, ok ? Je savais que t'allais dire ça. Ben ouais, évidemment qu'on va avoir des Game 7 partout, mais là je pense que ça va être compliqué. En fait, là, Luka Doncic, on voit là au dernier match, on a vu comme quoi là il était revenu en forme. Kyrie est encore discret, mais attention parce qu'à tout moment en fait c'est Kyrie qui peut coller 25 points. Donc ouais, là je pense que Dallas va plier ça ce soir. C'est chez eux, ils ont le momentum, ils ont le talent et ils ont trop de menaces, ils ont l'expérience, ils ont tout. Ils ont tout en fait et OKC commence à montrer quelques limites collectives parce qu'ils ont beaucoup de talent, etc. Mais c'est leur début de playoff, ils sont encore très jeunes et voilà. Et je pense qu'ils ont encore quelques limites qui vont pouvoir pousser par le futur, mais compliqué d'aller chercher ce Game 6 à Dallas, je pense. La raison ferait que je suivrais ton avis, Mais mon bracket en a décidé autrement. Pour moi, c'est OKC qui est en finale de conf. Donc, Game 7 à OKC pour moi, victoire d'OKC. Donc, ils prennent, j'adore le match, Game 7. Ils prennent le match 6 à Dallas. Et c'est le tournant de la série. Ah bah, et là, ce sera un gros tournant, en effet. En effet, parce que Game 7 à Oklahoma, attention. Il va falloir sortir un très très gros Luka Doncic pour aller chercher ça. Hein. Et pas sûr que ça suffise, pour le coup. Pas sûr que ça suffise, ouais, en effet, mais il en est capable, et on sait, ce que ça peut donner. Quoi. On passe de l'autre côté, Rémi, du tableau, avec peut-être la meilleure série qu'on a vue depuis un moment, en fait. Ah, incroyable. Incroyable. Timberwolves, Nuggets, 3 partout dans la série. Permets de reprendre depuis le début. Vas-y. Je sais pas si c'est ce que tu veux faire. Les Wolves qui s'imposent 2-0 à Denver, donc là... tout le monde voyait, la dernière fois j'avais parlé d'un possible sweep qui était... Ils ont mis le champion à terre. Ouais, ils ont mis le champion à terre, dos au mur complètement. Et quelle réponse de Denver qui va chercher deux matchs consécutifs du coup à Minnesota, donc des matchs très compliqués. Mais là on a vraiment senti l'âme d'un champion, là on a vraiment vu déjà un très gros Nikola Jokic. Et puis collectivement, ils nous ont sorti vraiment deux matchs extrêmement solides. Moi, ce qui m'a plu, et on en avait déjà parlé du coup dans les coulisses, mais le changement d'attitude entre les deux premiers matchs et les deux suivants, où les Nuggets ont arrêté de se concentrer sur tout ce qui est hors terrain, donc je parle notamment de l'arbitrage, etc. Et ils ont arrêté de se prendre la tête pour ce genre d'événements qui font partie du jeu. Et ils ont accepté de prendre des coups, ils en ont redonné deux fois plus. Alors, on est sur une série qui est très physique. Hein. Ah oui, très athlétique. L'arbitrage, dès le début, a dit « Ok, cette série, on a le droit de se mettre des coups, c'est toléré. » Oui, mais après, pour moi, tant que deux équipes se donnent le même engagement, il n'y a pas Ah oui, non, mais absolument. Sinon, il n'y a plus de sport, tu vois. Sur le principe, moi, j'ai bien aimé le changement d'attitude. Et du coup, Denver qui reprend les deux matchs, à Minnesota, en fait, ça a calmé tout le monde. Et du coup, je te laisse continuer pour le match 5. Match 5, Denver qui prend la victoire 112-97, donc belle victoire, mine de rien. Avec une masterclass de Niko Jokic qui venait de recevoir son trophée de MVP. C'est ce que j'allais dire, ouais, absolument. Niko Jokic qui nous sort 40 points, 7 rebonds, 13 passes. J'ai pas la stat de points provoqués, mais. Il a fait le match 70%, tout seul, mais... 70% au tir. Ouais, le c'est pas compliqué, les gars. Passez la balle à Nikola Jokic, et soit il marque, soit il vous trouve, vous allez marquer. Et dans tout ça... Parce que Nikola Jokic, comme dans tout cas, il a le bonus que quand il te fait la passe, et tu gagnes 100% de réussite au shoot. Il a le badge altruiste. Exactement. Par contre, il faut nous notifier que ces 40 points ont été mis face au défenseur de l'année, Rudy Gobert, qui, pour le coup, s'est fait saucer sur les réseaux parce que Depoy, il a pris 40 points de Jokic. Ceux qui savent et qui connaissent le basket ont vu que Gobert a très bien défendu sur ce match. Il y a eu des éclats, etc., parce que c'est quand même Jokic en face. Mais le nombre de points que Jokic met, où à aucun moment tu te dis « mais comment il peut mettre ça ?» Rudy a fait un grand match, mais juste... très bonne défense, meilleure attaque, c'est tout. Ouais, c'est ça, exactement. Rudy, très bien ce que t'as fait, vraiment. Mais quand Jokic est comme ça, je pense que peu importe qui c'est qui est en face, pareil, c'est la même sauce. Quand Jokic te fait la chanson, il fait la chanson à n'importe qui. Il a un style de jeu qui est entre guillemets indéfendable. Il a un style de shoot qui est très compliqué à aller chercher. C'est compliqué de le gêner, c'est compliqué à contrer. À anticiper aussi, parce que c'est un peu. Comment dire. Je sais pas trop comment le décrire, son tir, mais c'est vrai que... C'est décousu, en fait. Il a un jeu décousu. Ça part un peu de derrière la tête. Tu sais pas s'il peut... En fait, quand il fait des passes, des fois, il commence avec le même geste. Enfin, c'est ça. À des moments, c'est assez compliqué à anticiper. On a vu la vidéo là où il fait la passe. Je crois que c'est pour Aaron Gordon sous le panier. En fait, il commence à faire un shoot et puis il décale ses poignets un peu chelou pour faire une petite passe. Aaron Gordon, il a juste à monter. Enfin, à quel moment tu peux anticiper une passe comme ça? Jokic, quand Jokic décide de faire la chanson, il fait la chanson. Malheureusement, Game 6, il n'a pas voulu faire la chanson. Non, là, pour le coup, sa flûte à bec, elle était en panne parce que un petit 9 sur 19 au tir, seulement 22 points. Et surtout, une défense collective côté Minnesota qui a mis à terre Denver. Denver qui a commencé très fort, je crois qu'ils mettent un 9-2. Ouais, je crois qu'il y a 9-2 dans les 3-4 premières minutes. Après, ils prennent un 20-0, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un truc. Ou un 22. Ça fait très mal et au carton 3, ils reprennent encore un 19-2 ou quelque chose par là. Donc, premier quart, Minnesota récupère 30, gagne 31-14. Denver fait un très bon deuxième quart. Ils sont quasiment à égalité sur le carton, 28, 28 pour Minnesota, 26 pour Denver. Petit éclat dans le troisième quart, 27-21 pour Minnesota, mais par contre, au dernier quart, 29 à 9. 9 points sur un carton. 70 points marqués sur le match, c'est le record, si on peut appeler ça un record. 115-70, 45 points d'écart. C'est le score le plus faible côté de l'histoire de la franchise de Denver, et c'est peut-être un des scores les. Enfin, j'ai pas la liste, mais ça doit être un des scores les plus faibles, tout playoff confondu, Ah peut-être. bah ça doit en faire partie, c'est sûr. Je pense que ça. Ouais, c'est dans le lot, hein. J'avais dit tout à l'heure sur la conf, on dirait que c'est Chicago-Utah en 97, où il y avait des matchs en 77-73. Sauf que là, il y a une équipe qui a 115 points. C'est un peu l'idée. Et on est en 2024. Bah, oui. En 2024, une équipe qui défend bien, c'est une équipe qui te limite à en dessous de 100 points. Voilà. On dit que si tu termines à 98 points, wow, l'équipe, elle défend super bien. Là, ils ont laissé l'équipe à 70 points, les champions en titre. C'est énorme. La performance de Minnesota sur ce match 6 Mais est monstrueuse. c'est non seulement une très bonne perf côté Minnesota, mais c'est aussi une très grosse sous-perf côté Denver, parce que Ah bah oui. J'ai pas pu regarder le match en live malheureusement, mais je me suis fait le replay ce matin, et en fait, le nombre de tirs ouverts qu'ils ont, Ils ont notamment à loupé. 3 points, Michael Porter Jr., qui a plusieurs shoots à 3 points, où il est ouvert, il est quasiment seul, et il finit seulement à 1 sur 6 à 3 Tu points, veux le 3 sur pourcentage à 9 au 3 shoot, points bah de je total l'ai, de il est très l'équipe? moche. 736, 19%. C'est très laid, et 30% au shoot global. Ah oui, c'est un. Ils sont passés au travers. 26 sur 86 au shoot global, c'est pas normal. Ah bah oui. T'as un seul mec de ton banc qui met un. Ah non, non, t'en as plusieurs, autant pour moi. Mais le banc score pas. Ça met 8 points sur le banc. 9 avec le lancer franc de Peyton Watson quand il arrive en jeu. Ça met que 9 points sur le banc. Et tes titulaires, ils sont pas non plus. Enfin, très compliqué. Trop, trop compliqué. Jamal Murray finit à 4 sur 18, qui a été étouffé par un Anthony Edwards trop en forme. Trop En fort. mission, en mission. Ouais, Non ouais, absolument. trop trop impressionnant pour Minnesota. Jaden McDaniels, il nous fait un match aussi, l'autre. Oh, Ouais, complètement. 21 points, 8 sur 10 au tir, il y a 4 bons, il y a une interception, deux Deux contres. contre. Ça C'est force pas. Ça force pas. C'est toutes les efficace. rotations sur les aides, il est présent. Rudy nous fait un vrai match aussi, 14 points, 12 rebonds. Enfin, c'est. Non, pardon, je me suis trompé de ligne. Là, il fait 8 points, 14 rebonds, Il fait pardon. 8 points, 14 rebonds. Ouais. Un Donc, très peu dominant. discret en attaque. Il a eu quelques appels pour de l'alley-oop, notamment premier quart. Ouais, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Par contre, au rebond, il a été là. En défense, il a été là. Il a protégé son cercle comme il fallait. Anthony Edwards en met 27. Karl-Anthony Towns, seulement 10 points. Bon, il y a un Mais 4 sur 13 10 au rebonds, 5 tir, mais passes. est-ce que c'est vraiment important qu'il score sur ce genre du match quand tout le monde à côté de lui fait le taf? Bah, pas forcément. Mais Mike il a fait le Conley taf quand en met même. 13. Mais oui, je veux dire Parce qu'il a le fixé taf. les défenses. Oui, bien sûr. Je parle du taf numérique. Ouais, bien sûr, la production au scoring n'est pas forcément présente. Mais en fait, derrière, enfin, c'est pour ça que j'aime pas regarder juste les lignes de stats, mais la fixation qu'il a apportée Oui, pour mais. fixer les défenses et ressortir, en fait, il a quand même très bien joué, mine de rien. C'est pas parce Ah oui, qu'il a il a mis fait un très bon match, 10 hein. points, je dis ça pas pour toi, hein, c'est pour les détracteurs de Karl-Anthony Towns. C'est quand même un très bon match qu'il a fait parce que derrière, il a laissé son équipe dérouler et bah, par exemple, comme tu l'as dit, Jaden McDaniels qui a déroulé comme il fallait, quoi. Exactement. Non, très impressionnant et encore une L'impact fois. physique, l'énergie, tout, Ouais. tout. Le momentum est côté Minnesota là, c'est impressionnant. Attention parce qu'on a vu Denver réussir à revenir après un 2-0 très compliqué pour eux. Donc attention, ça va être un game 7 très compliqué, Mais là, sachant que t'as le pris game une vraie 7 se claque sur joue la tête. à Denver. Mais là, par contre, t'as pris une claque qui fait très mal, ouais, comme tu dis. Donc, tu vas avoir Minnesota qui va y croire et qui va arriver le couteau entre les dents parce qu'ils ont fait un match 6 de folie. T'as intérêt de répondre présent et de vite calmer les ardeurs parce que si tu les laisses croire, ne serait-ce que un carton, ça peut te coûter très cher. Ouais, absolument. Ah ouais, tu peux pas te permettre de faire ça. Le premier quart-temps est déjà trop important. Ouais, Le complètement. 20-0 que tu prends dans le premier quart-temps, la Game 6, tu peux pas te permettre de reprendre une sauce pareille dans les premières minutes de jeu. Ah bah non, c'est pas T'attaques possible. avec un 9-2, tu continues. Tu continues sur cette lancée. Tu peux pas te permettre de. De C'est pas relâcher possible. l'intensité et de Ouais. louper tous tes tirs. Non, c'est pas possible. Ouais. Ils pourront pas s'en sortir si c'est ça. Dans la ligne de stats, il y a quand même un truc qui m'intéresse, un truc que je trouve chouette. Est-ce que tu as déjà vu un mec en playoff avec un plus-minus de 43? J'ai rarement vu ça, je crois. Anthony Edwards, mesdames et messieurs, il finit à 8 sur 17 au shoot, 4 sur 9 à 3 points, 4 bons, 4 passes, donc 27 points. Une ligne de production qui est standard, enfin, on a déjà vu mieux, on a vu moins bien, il n'a pas forcé, etc. L'impact défensif d'Anthony Edwards a été absolument spectaculaire en revanche. Ah oui, oui. Jamal Murray n'a pas vu le jour du match. Ça me fait penser aux deux premières rencontres de la série. Quand Jamal, il est étouffé sur Anthony Edwards, puisqu'une aide défensive. Donc c'est énorme. Et comme tu dis, le 43 de plus-minus de Edwards, c'est assez gueulé en vrai. C'est marrant ça. C'est énorme. C'est énorme. Comme quoi, quand Anthony Edwards est sur le terrain. Je vais rappeler à ceux qui. Tu mets une branlée à. Mais du coup, en gros, c'est que quand Edwards est sur le terrain, le différentiel de points marqués par son équipe par rapport à ce qu'ils encaissent, il est de 43 points. C'est quand même fou. Sur le dernier match, hein. Attention. Oui, bien sûr, on parle du dernier match. Je vais regarder quand même le plus-minus global sur la série, ça m'intéresse. Je vais chercher ça. La stat, il n'y a pas de problème. Il est à 5,3 en global sur la série. Ouais, donc ça montre bien... Ça a un peu fait du bien à la stat, j'ai envie de dire. Ouais, complètement, absolument. Mais en tout cas, j'ai adoré sa décla qu'il a sorti après match, comme quoi, déjà après le game 6, où il a salué la performance de Nikola Jokic en disant je peux pas dire quoi que ce soit, au contraire, même ça me fait rire parce qu'il est le meilleur joueur au monde et ça se ressent. Très belle maturité et vraiment, c'est beau de sa part. Et au game 6, après la performance qu'il a fait défensivement sur Jamal Murray, où il dit je veux être le meilleur joueur de la ligue des deux côtés du terrain. Et je mets vraiment. Enfin, il a dit comme quoi il mettait un point d'honneur là-dessus à vouloir se taper le meilleur attaquant adverse tous les soirs. Je trouve ça incroyable à son âge de sortir des choses comme ça. Et en fait, il nous montre qu'il peut le faire. Et ça, je trouve ça génial. Moi, ce qui m'a fait encore plus kiffer, c'est en sortie de Game 5, il a dit aux intendants de la salle de Denver. Il leur a dit je serai là au Game 7, bande d'enfoirés, gardez mon siège. et il va revenir pour un Game 7. Et il sera là au Game 7, ouais, absolument. Ouais. Avec le momentum. Quel génie. Non, donc, c'est une des séries qui m'a fait vibrer comme ça. Et ça fait longtemps que c'est pas arrivé parce que pour le coup, les deux équipes sont à un niveau de jeu extraordinaire. Et voilà, maintenant, il faut passer au pronostic. Il faut se mouiller un peu, mon Rémi. Ouais, je pense qu'il va y avoir un Game 7. Merci, belle analyse. Game 7 ce dimanche. Game 7 ce dimanche, malheureusement, je ne pourrais pas le voir, ça, je suis bien déçu. J'avoue que là, pour être tout à fait honnête, peu importe qui s'équipe, je suis content, parce que le niveau de jeu de Denver, champion 2023, nous montre que s'ils arrivent à passer cet obstacle, je ne vois pas ce qui peut les arrêter derrière. Et Minnesota, s'ils arrivent à gagner du coup face à ces champions en titre que sont Denver, attention à la menace en finale NBA quoi. Attention à la finale de conf. Enfin, Minnesota est là, une menace incroyable. En fait, il y en a beaucoup qui parlent de cette série comme étant celui qui sort de cette série va remporter le titre NBA. Mais ça m'étonne pas. Hein. Et ouais, mais n'empêche qu'il y a de quoi dire parce que les deux équipes montrent suffisamment de potentiel, de choses. Dans tous les axes pour nous montrer qu'ils ont ce qu'il faut pour. Et du coup, je ne suis pas surpris qu'il y en ait qui disent ça, parce que vu le niveau de jeu, limite, on pourrait dire que c'est la finale NBA avant la finale, quoi. Vu le niveau de la série. Des séries aussi belles qui ne se déroulent pas en finale NBA, il y en a eu tellement. Hein. Oui, bien sûr. C'est la finale avant l'heure, comme on dit. Ouais, exactement. Pour être tout à fait honnête, et c'était pas du tout ce qui était prévu dans mon bracket, c'était pas ce que je voulais de base, mais je pense que Minnesota va gagner ce Game 7. Ils ont le momentum, et en fait, sur ce qu'ils nous montrent dans ces playoffs, j'ai envie qu'ils aillent le plus loin possible. Denver a eu son heure de gloire l'année dernière, et à la base, c'était mes favoris pour remporter le titre encore une fois cette année. En back-to-back. Mais le niveau de jeu de Minnesota, défensivement, offensivement... Anthony Edwards, moi qui m'impressionne, je pense que c'est vraiment un des joueurs que j'aime le plus la regarder dans la ligue. J'ai envie de voir Minnesota y aller. Je pense que peut-être que c'est leur moment et c'est le ouais. Est-ce que l'heure de gloire de Minnesota, c'est pas 2024 justement? Moi, j'avoue que ça me ferait bien kiffer. Eh bien, ça fait plusieurs émissions que je dis que Minnesota a les armes pour y aller, et j'y crois aussi. Game 7 et victoire de Minnesota qui file en finale de conf. Et qu'est-ce que j'aimerais qu'une équipe aussi, entre guillemets, jeune, parce que du coup, Edwards, il vient de commencer, c'est lui le franchise player, il a que quelques saisons dans les pattes, il est déjà incroyable, mais j'aimerais tellement qu'une équipe basée sur une défense de fer gagne. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu vraiment cette identité avant d'avoir une équipe très offensive. Et surtout, avec autant de joueurs concernés, c'est pas que quelques joueurs qui sont incroyables défensivement, c'est toute l'équipe qui se met au diapason et qui a une lecture défensive incroyable. J'ai envie aussi que Rudy brille un peu, parce que les années de Utah, on y a cru assez longtemps, parce qu'on savait que Utah en saison régulière, c'était très fort, et en fait, ça a jamais confirmé. Et j'ai envie que Rudy, il aille loin, et en plus, ça peut permettre à Rudy de prendre un énorme gain de confiance pour les JO aussi. Parce qu'on en Complètement. parlera dans une prochaine émission un peu de l'équipe de France et tout ça, mais il y a des Il y choses à a dire. encore un peu le temps, mais ouais. Et si Rudy peut avoir pris cette bague et faire le plein de confiance pour les JO, ça peut être que bénéfique pour l'équipe de France. Donc j'ai envie que ce soit le cas pour Minnesota, parce qu'ils ont fait une saison incroyable et que c'est une équipe incroyable. Et désolé Denver, mais moi, il y a une équipe qui m'a plus convaincu sur la série et c'est Minnesota. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Pour le moment, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, ils m'ont davantage convaincu. Ils sont trop forts. J'aimerais beaucoup que ce soit leur ordre de corps. J'avoue que ça me plairait bien. Ils ont jamais gagné le titre, Minnesota. Hein. Bah non, jamais, hein. Jamais. Dernière apparition en playoff en 2004. Enfin, en... Non, pas en 2004, je dis des conneries. Dernière fois qu'ils En passent un tour de finale playoff. de... Ouais, voilà, qui passe un tour de playoff, c'était en 2004. Donc là, s'ils vont en finale de conf, bah, incroyable. Bah ouais, complètement. Complètement. Et puis là, peu importe l'équipe qui perd, c'est pas une saison ratée, c'est que Bah non. t'es tombé sur Loin un de boss, là. quoi. Loin de là. Et on ne pourra pas forcément dire à Denver que c'est une saison loupée non plus. Ah bah non, de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, quand tu t'inclines en 7, c'est compliqué de dire que c'est une saison ratée. Sauf si tu C'est juste que fais t'es comme les tombé sur plus Sixers et que fort. tu fais un match 7 vraiment dégueulasse. Ce qui peut arriver. Mais Oui, Denver ça peut ne arriver, fera ouais. jamais ça parce que c'est pas une équipe de losers comme les Sixers. C'est pour ça. Tu disais que Ça ça faisait commence. longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe défensive comme ça aller loin, mais désolé, Toronto 2019, c'est une équipe défensive avant tout, hein. Ouais. Oui. Bah, pour moi, Ouais, les si tu Wolves, veux. si je dois les comparer avec un champion en titre récent, je pense que c'est avec les Raptors de 2019 que je les comparerais le plus, mais pour moi, qui sont encore meilleurs défensivement. Ah, je dis, c'est pas ceux qui me viennent en tête. Moi, je vois bien, genre, genre les Spurs de 2005, genre. Quand ils font le titre de 2005, c'est une boucherie défensive, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Mais après, c'est les années 2000. Après, oui, Et, c'est pas la même enfin, NBA, je suis d'accord. c'était. Si tu parles Ouais. d'ère moderne, vraiment Ouais, c'est moderne, à ça. partir de 2010, Moi, c'est vraiment les Raptors ouais, avec je sais plus. lesquels je les comparerais le plus. Spurs 2014, c'est trop offensif pour être comparé, même s'ils défendaient bien. Ouais, c'est Ou à vrai la que... rigueur, peut-être les Bucks. Bucks 2021. Mais Oui. je vois plus de ressemblance avec les Raptors 2019. Ok. Ok. Je peux l'entendre. C'est vrai que Gasol, Tu vois, t'as Siakam, un Kawhi. poste 3 qui défend incroyablement bien et qui attaque, attention, la menace offensive. Les Raptors avaient recruté au mois de janvier Marc Gasol pour protéger l'arceau. Minnesota, ils ont recruté, c'était il y a 2 ans maintenant, Rudy Gobert pour protéger la raquette. Attention, je compare pas Marc Gasol et Rudy Gobert, mais Super. l'intérêt est à peu près similaire. L'intérêt d'avoir un poste 5 qui protège l'arceau, qui défend un peu tout. Et à côté de ça, tu mets que des mecs qui se battent et qui donnent leur âme pour sauter sur le moindre ballon. Et quand ils ont un foot ouvert, et bah, attention, c'est des points qui rentrent facile. Je vois, je vois. J'aime bien en fait la comparaison. Tu m'as convaincu, je crois. Bah ouais, moi je pense que c'est vraiment ce qui se ressemble le plus. On t'a... Et étant donné que j'ai adoré Toronto en 2019, évidemment, tout le monde le sait, j'y étais, et bah, je ne peux que adorer ces Wolves 2024. C'est clair. Je pense c'est vraiment le coup de cœur de cette saison pour moi en tout cas, Pour aussi. tout le monde. Il y a des chances. Pour les playoffs, en tout cas. Ouais, pour les playoffs, bien sûr. Ouais. On a terminé là-dessus, mon Rémi? Je pense qu'on a fait un bon petit tour, là. Allez, c'est parfait. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA.